بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا في هذه الليلة أو في هذا اليوم سورة عظيمة جدا aujourd'hui on verra une sourate très grandiose وقد أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد ابن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن البخاري a cité dans son صحيح selon سعيد ابن المعلى que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a dit Puis-je t'enseigner qabla an takhruj, avant que tu sortes de la mosquée, puis-je t'enseigner la sourate la plus grandiose du Coran? Qala fa akhadha bi yadi, alors il a tenu ma main. Falamma aradna an nakhruj, qultu ya Rasul Allah. قلت لأعلمنك سورة لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. Alors lorsqu'on voulait sortir de la mosquée, je lui ai dit au messager d'Allah, tu as dit certes, je vais t'enseigner la sourate la plus grandiose du Coran. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Et donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc cette sourate, c'est le Fatiha. هي سبع المثاني. Les sept, ensuite المثاني, la traduction dépend de la compréhension du traducteur. Parce que les savants, ils ont divergé concernant ce terme. Mais ma'ana al-mathani. قيل سميت كذلك لأن هذه الأمة استثنيت عن غيرها بهذه السورة فهي سبع آية سبع مثاني. Et donc ils disent que cette communauté, il lui a été fait exception des autres communautés par rapport à cette sourate. Cette sourate a été révélée à notre communauté et elle n'a pas été révélée aux autres. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et elle n'a pas d'exemple dans le Coran. Elle n'a pas de semblable dans le Coran non plus. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire les sept exceptions. Ou alors, les savants nous disent, لِأَنَّ الْعَبْدُ يُثْنِي بِهَا عَلَى رَبِّهِ. Parce que le serviteur, avec cette sourate, il va faire les éloges de son Seigneur. Et donc, ce sont les sept éloges. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Wahiyya al-Qur'an al-Azim » et cette sourate, c'est « Al-Qur'an al-Azim » le Qur'an grandiose qui m'a été révélé. « Fahadhihi surah laha asma » et donc cette sourate, elle a plusieurs noms. « Minha al-Fatiha » parmi ces noms, il y a « Al-Fatiha » l'ouverture. « Li'annahu yuftahu biha al-kitab » parce que c'est par cette sourate-là qu'on commence, que le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala commence. Wa minha Ummul Kitab. Et parmi les noms de cette sourate, il y a Ummul Kitab, la base du livre. Li'anna asla hadha al-kitab fi hadhihi sourah, car la base de ce livre, le livre d'Allah, est dans cette sourate, al-Fatiha. Al-Tawhid bi anwa'ihi thalath. L'unicité avec ses trois types. L'unicité dans l'adoration, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif, comme nous allons le voir, inshallah ta'ala. L'unicité dans les noms et attributs, comme nous allons le voir, inshallah ta'ala. L'unicité dans la seigneurie, comme nous allons le voir, c'est-à-dire l'unicité, le fait donc d'unifier, d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses actes à lui. C'est lui qui crée tout, c'est lui qui a tout, c'est lui qui gère tout, etc. Tout ça, on le verra au fur et à mesure donc du tafsir de cette sourate, inshallah ta'ala. وَلِذَلِكَ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Et c'est aussi pour cela que c'est la sourate la plus grandiose du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. À cause des éloges cités concernant Allah Tabaraka wa Ta'ala et à cause du tawhid, l'unicité. Et c'est pour ça que Ayatul Kursi أَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Et donc Ayatul Kursi c'est le verset le plus grand, le verset le plus grandiose du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aussi à cause du tawhid. C'est un verset qui aborde le tawhid, l'âme qui décrit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les paroles d'Allah sont les meilleures des paroles. Walakin kalamullah yatafawat. Cependant, les paroles d'Allah se distinguent des unes des autres. Et les meilleures paroles d'Allah, ce sont celles par lesquelles Allah se décrit lui-même. Ce sont celles par lesquelles Allah se décrit lui-même. Et parmi les noms de cette sourate, il y a Al-Shifa, la guérison. Un petit rappel pour nous tous. Hinama yamrad al-mar, awwalu ma yufakkiru fi, la carte vitale. Lorsque l'individu est malade, la première chose à laquelle il pense, c'est la carte vitale. Alors qu'il a le Fatiha avec lui, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas? Est-ce qu'on y croit? C'est ça le point. C'est est-ce qu'on y croit ou pas? Et parmi aussi les noms de cette sourate, il y a Ruqya. La Ruqya. Cette sourate, elle a été affirmée avec preuve que c'est une Ruqya. Yarhamukallah. Et c'est là, ça aussi, c'est un rappel pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y en a qui sont éprouvés, djinns, messes et autres, tu les vois courir, un imam, un raqi, s'il vous plaît, m'aidez, m'aidez, SOS. Parfois, on m'appelle 2h du matin. 2h du matin. Je réponds pas. À 2h du matin, non seulement je réponds pas, mais en plus, je raccroche quand même. Et donc, je raccroche. Il rappelle. Je raccroche. Il rappelle. Je raccroche. Il rappelle. Je me dis, subhanallah, ça serait ton truc. Yani doruri, yamout. Je réponds. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On a besoin d'une roquia. Subhanallah. Yani, j'ai pas le droit de dormir. Et donc, alors que nous tous, kulluna yahfaz al-fatiha. Même les plus petits mémorisent al-fatiha. Tous ici présents, mémorisent la Fatiha. Taïb, c'est une Ruqya, les frères. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas? Pourquoi est-ce que tu ne te fais pas Ruqya à toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire Ruqya à toi-même? Tu connais le Fatiha. Ou alors, est-ce que tu mets plus ta confiance en ce Raqi, celui qui va venir, hein, et que souvent les gens vont lâcher un billet derrière, 500 euros, mashallah. Et donc, les frères, nous devons méditer sur tout ce que nous allons apprendre concernant cette sourate. C'est une sourate grandiose. وَمِنْ أَسْمَئِهَا السَّلَاتِ Il y a aussi parmi les noms de cette sourate, il y a السَّلَاتِ, la prière. Et ça, on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Cette sourate a été appelée السَّلَاتِ. أَجْمَعَ الْعُلَمَا Les savants sont unanimes sur le fait que cette sourate se compose de 7 versets. Ils sont unanimes, il y a 7 versets. Tayyib, c'est quoi le premier verset? Ah, la divergence. Aujourd'hui, tu prends le mushaf. La majorité des masahif, le premier verset, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. La majorité des masahif, tu prends dans la mektaba, tu regardes Bismillahir Rahmanir Rahim. Taïb. Et donc les savants sont unanimes sur le fait qu'il y a 7 versets, mais ils divergent. Est-ce que Bismillahir Rahmanir Rahim c'est un verset de la Fatiha ou pas? Et donc il y en a certains qui nous disent c'est un verset de la Fatiha, comme on peut le voir dans la majorité des masahif. Et d'autres qui nous disent, non, hiya ayatun mustaqilla. c'est un verset qui est à part. Et le premier verset de la Fatiha, c'est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Saïd lui a demandé « Donc, quelle est la sourate la plus grandiose du Coran ?» Il a dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Donc, le premier verset de la sourate, c'est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». On a deux avis. Et l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, al-rajih, huwa anna al-basmala laysat ayatan min al-fatiha. Bel hiya ayatun mustaqilla. L'avis le plus juste, comme on l'a déjà vu, c'est que la basmala n'est pas un verset de la fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset qui est à part. C'est un verset qui est à part, inshallah ta'ala. Pourquoi ? Tout simplement, لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مسلم a cité dans son صحيح selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah تعالى a dit j'ai divisé la salat entre moi et mon serviteur en deux parties. Tout à l'heure, je vous ai dit, parmi les noms de la Fatiha, il y a As-Salat. Et donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit, j'ai divisé la Salat, c'est-à-dire la Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux parties. فَإِذَا قَالَ عَبْدِي أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Lorsque mon serviteur dit, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ, Kultu Hamidani Abdi, je dis, certes, mon serviteur m'a loué. Wa idha kala ar-Rahman ar-Rahim, et lorsqu'il dit ar-Rahman ar-Rahim, alors je dis, Ethna alayya Abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Wa idha kala Maliki Yawmiddin, et lorsque mon serviteur dit Maliki Yawmiddin, Kultu. Majjadani Abdi. Alors je dis, mon serviteur m'a glorifié. Jusqu'à la fin du hadith. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, huna dhakara lana al-Fatiha wa lam yadhkur al-Basmala. Et donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a cité la Fatiha et le fait qu'elle a été divisée en deux entre Allah et son serviteur. Le serviteur qui dit quelque chose et Allah qui répond. Et Allah n'a pas cité la basmala. Et donc les savants nous disent, la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset qui est à part. C'est un verset qui est à part. Ce n'est pas un verset de la basmala. Est-ce qu'il y a une autre preuve qui montre que la basmala ne fait pas partie de la fatiha? Hal hunak dalilun akhar يبين لنا أن البسمة ليست آية من الفاتحة. الله تبارك وتعالى il nous dit ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ceci est le livre sur lequel il n'y a nul doute. فوجود الخلاف دليل على أنها ليست آية من الفاتحة. Le fait qu'il y a une divergence, c'est une preuve qui montre que ce n'est pas un verset de la Fatiha. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a nul doute, aucun doute, sur aucune des sourates de la Fatiha, aucune des sourates du Coran, aucune des ayats du Coran, aucune lettre du Coran, il n'y a pas de doute. « Hada amrun mujma'un alay » Il y a unanimité sur cela dans la communauté musulmane. Et donc ils nous disent les savants, à partir du moment où il y a un doute, où il y a une divergence, c'est que ce n'est pas un verset qui fait partie de la Fatiha. Bel hiya ayatun mustaqilla. Est-ce que vous avez compris? C'est là qu'on revient à l'importance de l'ijma, l'unanimité dans la communauté musulmane. Wa kadhalika hadha al-hadith alladhi dhakarnahu ayyuha al-ikhwa huwa yadullu ala ahammiyati hadhihi as-surah. Ce hadith qu'on vient de voir, les frères, justement, ce dialogue entre le serviteur et son seigneur, c'est aussi une preuve qui montre l'importance de cette sourate. L'annahe du'a, parce que c'est une invocation. À la fin justement de ce hadith, lorsque le serviteur il dit إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله تبارك وتعالى qui dit هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Cela est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il a demandé. إذن الفاتحة دعاء. Et donc la Fatiha en réalité c'est une invocation. Et donc c'est une invocation très très importante. ومما يدل على أهمية هذا الدعاء أن الله تبارك وتعالى أوجبه علينا 17 مرة في اليوم. Parmi les éléments qui montrent l'importance de cette invocation, chers frères, le fait que Allah تبارك وتعالى nous a rendu obligatoire le fait de l'invoquer avec cette invocation 17 fois par jour. Tu vas prononcer la Fatiha au minimum 17 fois par jour. Méditez, oh chers frères, pour celui qui fait Ar-Rawatib et qui en plus de ça, il nous fait Qiyam al-Layl. Combien de fois il va prononcer la Fatiha? C'est une sourate très importante. Comme on va le voir, c'est une sourate très importante, oh chers frères. Voilà pourquoi il est important qu'on connaisse la signification de cette sourate. Et qu'à chaque fois que tu récites cette sourate durant ta prière, que tu médites sur cette signification. En ce qui concerne la signification de l'Besmela, fa zakarat al-ulama min aqwal al-ulama bismillahi abda. Parmi les significations que les savants ont citées, il y a le fait, donc, la signification « Bismillahi abda » par le nom d'Allah, je commence. « Aou bismillahi akra » par le nom d'Allah, je lis. « Bismillahi asta'in » le fait, donc, d'implorer l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala par son nom. « Taïb Allah » Ça, c'est une question importante, ça. Ça, c'est une question très importante. Les musulmans adorent Allah. Les chrétiens adorent Dieu. Les témoins de Jéhovah adorent Jéhovah. Les bouddhistes adorent Bouddha. Etc., etc. Ça veut dire quoi, Allah? Ça veut dire quoi, Allah? Non. Ça veut dire quoi Allah? Al-Ma'boud. Allah, ça vient du verbe Aliha Ya'lahu Fahuwa Al-Ma'lour. Ay'abada Ya'boudou Fahuwa Al-Ma'boud. Allah, c'est celui qui est divinisé, celui qui est adoré. Voilà ce que ça veut dire Allah. Il est important, oh chers frères, qu'on comprenne la signification de ce nom. Allah, cela revient à l'adoration. El-Ibada. Fahuwa al-mustahiqu lil-Ibada. C'est le seul à mériter l'adoration. Ça, c'est un point essentiel. Nous devons, chers frères, barakallahu fikum, connaître la signification du nom Allah. Le nom le plus grandiose. Certains savants qui nous disent que c'est le nom d'Allah le plus grandiose. Parce que tous les autres noms le suivent. Tous les autres noms le suivent. Et donc, c'est le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala le plus grandiose. Il est important qu'on connaisse la signification. Il est important qu'on médite sur la signification des noms d'Allah de façon générale. Et bien, idnillah, à chaque fois je le dis, j'espère qu'on va trouver le temps, incha'Allah ta'ala, pour étudier la signification des noms d'Allah. Parce que c'est important de savoir qui est ton créateur. Qui est ton créateur? Une fois, j'ai vu une réplique. J'ai vu une réplique d'un prêtre sur les musulmans. Il disait, quand on médite sur le livre d'Allah, on voit que les musulmans ne connaissent pas leur divinité. Ils disent, nous, on connaît Jésus. Il était avec nous. Il marchait avec nous. Et donc, on connaît notre divinité. Les musulmans ne connaissent pas Allah. Ils ne l'ont pas vu. Quel menteur. Subhanallah. À chaque fois, je me dis, ça, c'est important que on lise, on fasse des cours sur les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ses attributs, afin que les musulmans connaissent leur Seigneur. Il est important qu'on sache qui on adore. Et donc, cette basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman dhur-Rahmati al-Wasi'a, le possesseur de la miséricorde vaste. Ar-Rahman, la signification de ce nom, c'est le possesseur de la miséricorde vaste. Elle englobe toutes ses créatures. Ar-Rahim dhur-Rahmati al-Wasi'a. أي هو الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عبادي. الرحيم c'est celui qui possède la miséricorde qui parvient à qui il veut parmi ses serviteurs. Voilà pourquoi les savants nous disent la différence entre les deux. La différence entre les deux. الرحمن sifa. C'est un attribut. الرحيم c'est lié au verbe, al-fi'l, l'action. L'attribut, le fait que Allah il est décrit comme possédant cette miséricorde. L'action, le fait que Allah fasse parvenir cette miséricorde à qui il veut. Souvent, et je l'ai déjà cité dans cette mosquée, les savants nous citent des exemples pour comprendre. Il se peut qu'une personne ait un attribut, mais qu'elle ne puisse pas faire l'action. Elle ne puisse pas faire l'action. On va dire, par exemple, Mashallah, Rouna Jamel. Généreux. Taïb, parmi ses attributs, Jamel est généreux, mashallah. Taïb, il arrive un problème qui fait que Jamel ne peut pas sortir chez lui et ne peut rien faire. Il ne peut pas sortir chez lui. Est-ce qu'il va réussir à appliquer cette générosité? Non, il ne peut pas. Il est là, Jamel confiné chez lui dans sa chambre, on lui dit, tu ne bouges pas, mets ta tharrak, tu ne bouges pas. On va dire qu'il est généreux, mais en ce moment, qu'Allah lui facilite. Allah tabaraka wa ta'ala, il est miséricordieux et il fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses créatures. Wa hadhihi ar-rahma tashmalu al-muslimina wal-kuffar. Cette miséricorde, elle englobe les musulmans et les non-musulmans. Parmi les signes de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la pluie, la nourriture. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous accorde la santé, tout ça fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin, al-rahmatul mutlaqa hiya lil mu'minina khassa. Cependant, la miséricorde absolue, elle est spécifique aux croyants. Li'annaha hiya allati tastamir ma'ahum fil akhirah. Parce que cette miséricorde, c'est elle qui va continuer avec eux dans l'au-delà. La miséricorde absolue. Les incroyants, ils vont bénéficier de la miséricorde ici-bas. Ils vont manger, etc., etc. Taïb, dans l'au-delà, la rahmat alahum. Dans l'au-delà, il n'y a pas de miséricorde pour eux. Hum finnar. Taïb, et donc, il est important de comprendre la signification de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, ar-Rahman, ar-Rahim. Et aussi pour nous, le fait que nous, ô chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, dans la sunna de son messager, il nous appelle à faire preuve de miséricorde. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et donc les croyants doivent être miséricordieux. On ne doit pas faire du mal autour de nous. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, après l'Asr, on va commencer donc l'exégèse du premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا.